Histoire numéro 11, le sacrifice de Jehiel. Vous pouvez me demander ce que j'ai ressenti, ce à quoi j'ai pensé quand le général, le capitaine, que tous les démons l'appellent comme ils veulent, m'a amené dans la cour, m'a montré mon Jehiel prêt à être pendu et m'a déclaré « Tu vois cette potence-là ? » C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour élever un peu ton fils, le Birgmestre, et pour l'honorer de sa fidélité et de son zèle en faveur de l'ennemi. En fait, il a droit à une balle dans la tête. Mais ça, c'est trop beau pour vous autres. C'est dommage pour la balle et pour la poudre. La guerre s'impose des priorités, n'est-ce pas? En bref, voici la corde. Passe-la toi-même autour du cou de ton fils. Que penses-tu de cet honneur, hein? En effet, que pense-t-on d'un tel honneur de la part du tsar? Qu'il crève! Plus de 1000 idées diverses me sont passées par la tête pendant une seconde. Me jeter à ses pieds et lui demander grâce pour mon fils. Lui crier au nez que ni lui ni personne ne m'obligeront jamais à porter la main sur mon enfant. Ou encore qu'il me pende moi et pas lui. Ou qu'il nous pende en même temps à la même corde, ce fumier de Titus, non. Il ne fallait pas s'emporter. Il fallait lui dire quelques mots doucement, comme ça, qu'il écoute, voyez-vous. Mais de toute façon, il n'écouterait pas, c'était bien clair. Donc, tout était perdu d'avance. Maintenant, pour ce qui en était de ma vie à moi, elle ne valait pas grand-chose. Il fallait vraiment souffrir de crétinisme pour croire que j'allais obtempérer et pendre mon fils moi-même. Donc, l'autre allait me tuer de toute manière. Alors, qu'avais-je à perdre? Je m'adresse donc à cet enfant de trottoir. D'après la loi, un condamné à mort a le droit d'exprimer ses dernières volontés. Oh, ça ne vaut pas grand-chose, d'accord. Mais même vous, vous devez l'admettre. Bon, alors vous devez sans doute vous souvenir. Dans notre Torah, la Bible, vous appelez ça, on raconte comment Abraham a amené son fils Isaac au sacrifice dans la joie et la bonne humeur. Abraham, voyez-vous, il n'a pas même bronché. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui siège aux cieux, qui lui en a donné l'ordre. Et quand Dieu ordonne alors, c'est non seulement un plaisir, mais encore un grand bonheur, et une grande joie que de le satisfaire. Vous n'imaginez pas quel mérite c'est pour nous que Dieu l'ait choisi, mon Jehiel, pour ce sacrifice délicieux. Existe-t-il une plus vive source d'honneur entre nous, mon général? Vous êtes un homme d'honneur, me semble-t-il. Vous n'allez pas me faire croire que Dieu vous a ordonné de me demander de sacrifier mon fils pour lui, tout de même. Alors, comment voulez-vous que j'exécute un ordre pareil, dites? Bon, vous allez me dire que c'est votre roi qui vous a commandé ça, et que vous ne faites qu'exécuter ses volontés, d'accord. Mais la conclusion, c'est que moi, je n'ai reçu aucun ordre de Dieu, et c'est vous qui allez vous taper le boulot comme un grand. Maintenant, pour ma part, comme je ne vous écoute pas, vous allez me tuer aussi, hein? Alors moi aussi j'ai une petite requête à vous faire. Et les dernières volontés d'un condamné, ça ne se refuse pas, n'est-ce pas? Ma demande, c'est qu'on me pende le premier, avant mon fils, parce que je suis son père. Telle est la nature humaine, et tel est le monde que Dieu a créé, savoir que le fils voit mourir son père, et pas le contraire. De plus, si je meurs quelques minutes avant mon fils, il pourra réciter la prière du Kaddish pour moi pendant un moment. Voilà ce que j'ai dit à ce général de malheur, que le vent emporte ses eaux au diable. Je me demande d'où j'ai eu la force de sortir de telles paroles de la bouche. Je crois que j'aurais parlé comme ça aussi au tsar, et pas seulement à ses généraux. Quand vous voyez l'ange de la mort en face, que vous avez déjà un pied dans la tombe, alors, colonel, général ou tsar, c'est bien pareil. Il n'y a rien comme les paroles qui sortent du cœur. Et apparemment, les miennes ont touché leur but. Il me demande « D'où sors-tu cette force, espèce de juif ?» Quand je vois qu'il écoute, je continue « Je vais vous dire, mon général, d'où nous autres sortons notre force. » Dans notre Talmud, il y a une histoire qui parle de 10 sages condamnés à mort par les Romains. L'un d'eux arrive au ciel et commence à poser des questions sur le pourquoi du comment. On lui répond que c'est une sentence divine irrévocable. Il demande « Pour quelle faute ?» On lui répond « À cause de la vente de Joseph par ses frères. Les gens qui commettent ce crime sont passibles de mort et eux, ils n'ont jamais payé. Et voilà mon général qui s'étonne. Comment? Tant de temps avait passé, le compte n'était pas encore réglé sur cette question. Et moi, j'explique. On attendait qu'il y ait une génération de gens complètement purs et justes, comme ces 10 sages-là, qu'on appelle les victimes du pouvoir. Vous comprenez, mon général, comme moi, mon fils et tous les notables de Krouchnik, comme nous sommes fiers d'appartenir à une génération pure et juste et d'aller à la mort la tête haute. Maintenant, je ne pouvais ajouter aucune parole. Je me voyais déjà pendu. Jaïel lisant le kadish sur mon cadavre, ma femme et les autres enfants pleurant ma disparition. Je me sentais comme pressé dans un étau, la gorge sèche, les larmes plein le visage et la barbe. Monsieur Cholem Aleichem, vous voulez savoir ce qu'il ressort de tout ça, je suppose? Mes paroles nous ont sauvés de la pendaison, mon Jaïel et moi. Plus exactement, ils ont pendu tout le monde, sauf moi et Jaïel, dont la peine a été commuée en mobilisation immédiate sur le front. Il a été tué le jour même de la bataille et on n'a pas pu l'enterrer. Comment je l'ai appris? Son nom a été cité à l'ordre du jour. Je peux seulement dire que son âme repose en paix et qu'elle prie pour nous. Que pourrais-je dire de plus? Surtout que mon deuxième fils, Shemuel Mouché, il a connu un destin encore pire que celui-là. Je crois que je ne vous en ai pas encore parlé, Shemuel Mouché. Rien à voir avec Jaïel. Non qu'il se soit conduit comme un galopin, pour ça, non. Il avait bon cœur, lui aussi. Vous voyez, je vous raconte tout, le bien comme le mal. Parce que je vois que vous, on ne peut pas vous mener en bateau. Mais je vois qu'il se fait tard et que vous voulez aller dormir. Bon, je vous raconterai la suite demain. Allez, passez une bonne nuit.